Ben vol, Luna, c'est mort, tu me. Ben vol, Luna, c'est mort, tu me. Снёс, ё-май, не те, жасай, ой, рамай.